commencer par vous parler d'un poteau qui est aujourd'hui décédé pour que vous gardiez sa photo. Durant ces deux mois d'été, oui j'ai reçu un texto. Je me souviens qu'il disait j'ai vraiment vient de perdre Nico. Avant tout ça tout allait bien, mais j'ai vu que j'avais pas de chance. Quand tu te réveilles de bon matin avec un mort sur la conscience, je me souviens encore de lui, ensemble on aurait dit de barge. Mais depuis que tu es parti, je ne ris plus après tes blagues. Nicolas Galicien, cette musique est un hommage. J'espère que de là où tu m'entends, car beaucoup de gens ont la rage. Il paraît que tu es passé de l'autre côté du miroir, et même ton école privée a fait du calme à ta mémoire. On t'aimait dans mon gars, si tu n'en croyais pas autant. Des fois on ne rigolait pas, c'est que ce n'était pas méchant. Quand plus tard j'ai appris que ça pouvait être un suicide, alors soudain je me suis dit, mais putain c'est pas possible. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. On connaît pas la vraie histoire, enfin seul Dieu le sait. Je crois que ça s'est passé le soir quand tu t'étais levé. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était pour un besoin. Et le lendemain matin, on t'a retrouvé déjà si loin. Alors soudain, c'est la panique, c'est l'ambulance, c'est la police. Et oui, la vie est pathétique, c'est les huissiers et la justice. Ce qui paraît à ton âge, souvent on dit que c'est l'âge bête. Pour la cause d'un dérapage, on s'est retrouvé à des enquêtes. En plus, c'est allé loin, je crois même aux informations. La nouvelle de bon matin a affecté toute la nation. On a allumé la télé avec un petit temps de réaction. On a perdu une amitié, là ce c'est de la science-fiction. J'ai des messages pour toi Nico, même si tu peux plus les entendre. C'est en parlant un micro, ta mémoire sera toujours présente. Alors qu'il est, toi t'es plus là, mais la musique est immortelle. Ce qui fait qu'on ne t'oubliera pas, même si ton âme est bien au ciel. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. Tu étais un peu petit, toujours les cheveux en travers. C'est un peu comme la vie, car je crois qu'elle t'a pris en revers. C'est de la part de tous tes potes qu'on est venu te parler. J'espère que ta mère sera forte, elle supportera ton passé. Cette musique est pour ton père, pour qui je crois de la peine. Mais bon, c'est la vie sur la terre, faut continuer à oublier sa haine. Quand je me souviens d'avant, qu'on faisait que délirer. Ça s'est fini avec le temps, vu que les anges t'ont capturé. Je crois que tu seras mieux là-haut, car aujourd'hui c'est le destin. Mais je me souviens encore poteau, quand on s'est dit au revoir en juin. Oui, sans même le savoir, je crois bien que c'était la dernière fois. Je vois ton visage plus que le soir, car je crois que je te reverrai pas. Si peut-être tu allais mal, je sais que t'étais un gars en or. La vie n'est pas monumentale, on se reverra mais pas encore. On se verra plus tard, j'espère bien après la vie. Et j'espère le plus tard, si Dieu veut au paradis. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé. Nico, toi tu t'étais en allé. Si tu savais ce que ça fait de pouvoir perdre une amitié, mais aujourd'hui tu es gravé.